Ah bah oui. Un stéréo, sinon il n'y a pas la stéréo. Moi, je me sentais dictateuse, merci. Dictatureuse. Donc, donc, je n'ai pas écrit ma communication de façon à ce que ce soit, aussi plus vraiment une communication et pas une lecture à voix haute. Alors, l'idée de cette communication m'est venue vraiment dans le cadre du séminaire. C'est pour ça que je commence par le souligner. Suite à la communication de Pape Ndiaye, hein, je m'étais dit, tiens, je me souviens avoir lu des choses de Xavier Gral, il parlait de Cédar Senghor, et puis je me dis, il y a des choses un peu qui se ressemblent aussi chez Césaire et Paul Keinec, ce serait peut-être bien d'aller voir s'il n'y a pas eu des influences, bon, plus ou moins serrées et plus ou moins diffuses, entre les écrivains engagés dans la mouvance de la négritude et les écrivains bretons des années 70. Enfin, ceux, en tout cas, qui ont eu une plume un petit peu engagée. Et donc, j'ai creusé cette question-là pour réfléchir à ce point, puis pour essayer de vous le faire partager. Donc, c'est vrai qu'a priori, on pourrait se demander ce qu'il y a de commun entre les démarches de Senghor et de Césaire, de Mémy, de Fanon, et celles d'écrivains bretons qui recherchaient dans l'écriture et la politique la réponse à leurs questions, et bien sûr aussi des modalités de l'expression de leur identité. Donc, j'ai essayé de voir s'il y avait des échos poétiques, politiques, très peu, mais poétiques en tout cas, entre la zone Afrique-Caraïbe et puis la Bretagne. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se lancer dans une démarche de comparaison ou bien d'essayer de voir un peu quelles sont les zones d'influence, même s'il y a une perception intuitive de certains aspects de la question. J'ai essayé de m'en tenir à une analyse la plus serrée possible, de façon à ne pas non plus voir des influences là où il n'y en a pas. C'est pour ça que finalement, au lieu d'appeler ma communication influence, j'ai parlé de résonance, qui est quand même beaucoup plus large et qui me permet de voir des points communs et puis aussi des choses dont on pourra parler peut-être après la communication qui me semblent être très différentes. Alors j'ai donc présenté ma communication selon trois axes. Mais d'abord, donc, je vais vous montrer ce de quoi je suis partie. Alors, c'est une longue citation, évidemment, toutes les autres sont beaucoup plus courtes. C'est un billet de Xavier Gral. Donc, moi, c'est vrai que je suppose que tous ces auteurs-là sont connus, mais ce n'est peut-être pas le cas. Hein, donc, Xavier Gral était écrivain, journaliste, un journaliste avant tout. Donc, il est mort jeune, hein, il est de mémoire. Donc, il est né en 1930 et il est mort en 81. Mais dès 30 ans, il a eu des gros problèmes de santé, des problèmes d'emphysème. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas pu avoir très certainement l'activité dont il rêvait. Donc, il écrit ça en 80. Il y a longtemps, je suivais alors les cours du centre de formation des journalistes. Je venais de Bretagne. J'étais parmi mes camarades, presque tous des Parisiens délurés et brillants, comme un goéland sauvage, timide et perdu. Dans mon coin, je ne disais rien, je me faisais tout petit. La plus belle carrière, c'est l'un de nos professeurs qui devait la réaliser. Il s'appelait Léopold Cédar Senghor. Il préside toujours aux destinées du Sénégal. Donc évidemment, c'est écrit en 81. Senghor nous parlait déjà de négritude. C'était un cours magnifique. Et quelle parole, et quel rythme. Chaque mot qui sortait de ses lèvres était comme un oiseau lyre, sonore, fier, coloré. Et c'était justement l'éloge de la parole et du rythme. On avait envie de danser. Senghor nous l'enseigna, donc il parle de la poésie, tout en défendant la civilisation négro-africaine avec une ferveur d'autant plus audacieuse que nous trouvions alors sous la 4e République en pleine époque colonialiste. Négritude, celtitude, donc on voit ici le glissement qu'il opère. La mode aujourd'hui est au droit à la différence. Senghor n'a pas attendu la mode pour proclamer sa différence de nègre. Nous sommes, pour notre part, quelques Bretons à avoir crié dans les vents et la ville notre singularité de Celte. Notre identité ne se lisait pas sur notre peau, hélas, et nous avions ainsi quelques peines à nous faire entendre. Moins sourde est la ville et favorables sont les vents. Merci Léopold Cédar Senghor, Peut-être un jour chanterons-nous en breton, dans votre république, sur votre parole et votre rythme. Bon voilà, donc là j'ai pas voulu trop couper le billet parce que je trouve qu'il pose bien l'entrée de jeu, un écho, hein, une résonance presque physique, émotionnelle, qu'il va ressentir par la parole de Sangor. Il insiste tout de suite sur la parole, le rythme, donc toutes les composantes de l'oralité sur lesquelles je reviendrai dans ma dernière partie et qui me semblent fondamentales dans ces échos-là et aussi sur tout ce qui peut relever de la littérature et de la poésie qu'on classe dans la poésie francophone. Donc on a, là, tout de suite, notre identité, elle ne se voit pas, donc il en fait un, hélas, un point négatif, c'est-à-dire comment on va se différencier ou exister pleinement en tant que breton. Hein. C'est là-dessus qu'il va revenir après. Et autre point qui m'a semblé intéressant, donc l'année dernière est sortie l'œuvre complète, pas tout à fait complète, d'ailleurs un choix de texte de Paul Keinec, et dans l'introduction, le petit préambule, il explique justement la prise de conscience qu'il a eue ou la forte émotion qu'il a eue en lisant ces airs. Bonjour. Un soir d'été, mes frères sont ailleurs et j'écoute seule la radio dans notre chambre. Ce soir-là, la voix vient de Paris. Un homme lit ou récite un long texte que je ne comprends pas souvent et qui me met littéralement hors de moi. Je ne retiens ni le titre ni le nom de l'auteur. C'est longtemps après, dès les premiers mots, que je reconnais les cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Lorsque je raconte cela à Césaire, alors que nous entourons le lit où Jean-Marie Serrault va mourir, il sourit et confie que dans sa jeunesse, il a été lecteur de Tristan Corbière. Je voulais être Aimé Césaire ou rien. Donc, là, c'est le déclic, l'entrée dans quelque chose qui va être quand même un déclencheur de création. Et puis, pour Keinec aussi, la tentative de faire coïncider un engagement politique et poétique, hein, parce que c'est quand même ça qui est au cœur de sa problématique à lui, quand il commence à écrire et à avoir une certaine conscience et une certaine vision de la Bretagne. Voilà, donc, avec ces deux longue citation, c'est vrai que je pose un peu le cadre de la façon dont ces auteurs bretons des années 70 à 80 ont pu ressentir des échos par rapport à ce qui pouvait être dit de la négritude. Donc ici, moi, je prendrais la négritude dans le sens porté par Césaire, hein, qui se voit à la fois une parole poétique, une revendication sociale, politique, une quête identitaire. Bien sûr, on pourra en reparler après, même si ce n'est pas l'objet seulement de ma communication. Chez Césaire, on n'est pas dans la contestation radicale qui va émerger sous la plume de Fanon des années après. Hein, on n'est pas du tout sur le même plan. Alors, mon corpus d'auteurs bretons, j'ai relu beaucoup d'auteurs de ces années 70, à travers notamment l'anthologie de Jan-Bert Piriou sur les poètes engagés. J'ai travaillé essentiellement sur quand même Xavier Gral et Paul Keinec, hein, qui ont beaucoup produit. Et le point de départ pour moi, après les lectures des uns et des autres, c'était... Bon, chercher des influences plus ou moins diffuses. J'ai vu à quel point il y avait une assimilation de la condition du breton à celle du noir, enfin chez ces auteurs-là. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une imagerie et une représentation du breton qu'on va voir tout de suite sous les termes du colonisé, de l'exilé, de celui qui est marginalisé, qui ne trouve pas son identité, qui ne se sent pas reconnu. Et bien sûr, parce qu'il s'agit aussi de littérature, j'ai voulu dans la dernière partie de mon travail ouvrir la comparaison ou les effets de résonance vers une problématique du champ littéraire. Voilà, donc l'articulation que je vais suivre. Alors, il y a une influence donc, de la représentation de l'image du colonisé, de la colonie, du nègre, du noir. Là, je reprends tous les termes que j'ai lus ici ou là pour préparer cette communication. Un sentiment d'injustice face à l'histoire, ça c'est récurrent. Une relecture de l'histoire aussi, avec une réappropriation, une tentative de réappropriation de l'histoire de la Bretagne et des Bretons, non pas perçue du point de vue peut-être français. Il y a des effets de superposition ou d'assimilation, au moins partielle, avec la condition du noir, du nègre, de l'esclave aussi, hein, parfois. On est l'esclave des Français, ça c'est des choses qui reviennent souvent. Alors une image négative que les Bretons ont d'eux-mêmes, qui apparaît vraiment... Alors là, j'ai fait une petite sélection de l'ensemble des citations. Il y a des aspects de ma communication où j'ai trouvé assez peu de citations pour étayer mon propos. Ici, j'étais noyée sous le nombre de citations ou d'extraits vraiment où on fait ce genre de comparaison. Alors l'anthologie de Piriou, par exemple, que vous avez sûrement parcouru, hein, qui était la référence à ce moment-là, il commence donc son anthologie en la dédiant aux Québécois, chez qui nous comptons tant d'amis, aux Africains et Antillais qui savent ce qu'être colonisé veut dire. Donc il lance le ton, parce qu'après, dans toute l'anthologie, on retrouve ce fil conducteur-là. Paul Keinec, très tôt j'apprends que c'est pas bien d'être breton, je le serai donc. Il est tout à fait ridicule d'être breton, surtout quand on est poète. On pourrait avoir vraiment des choses de ce type hein, chez les écrivains antillais, où en fait le regard du français vient dénigrer l'identité et la spécificité de la poésie ou du type de poésie. Je reviendrai là-dessus plus loin, notamment très lié à l'oralité. Graal rajoute « Les enfants des ploucs et des bécassines n'ont plus l'intention de courber les chines, ils sont les frères des Kabyles, naguère pour chasser. » Donc il y a beaucoup d'allusions aussi qui sont faites en lien avec la Kabylie. Alors, un sentiment négatif, donc les Bretons ont d'eux-mêmes, et ce sentiment négatif vient parfois de la perception négative qui est donnée de la langue bretonne. Pas toujours, mais parfois. Donc, là, par exemple, qualifiée tour à tour d'idiome, de jargon, de patois, de dialecte, elle ne se parle pas, elle se bredouille, se baragouine. De plus, elle laisse derrière elle, on ne sait quel relent derrière bistrot, de cours de ferme et d'autonomisme, parfaitement insupportable aux narines habituées à ces parfums subtils qui ne se respirent que sur les bords de la Seine. C'est la plume de Piriou, hein, très, 70s. C'est vrai que c'est très rafraîchissant et dynamisant de remettre le nez là-dedans, parce que c'est des choses qu'on ne dirait plus. Alors on a aussi bien sûr cette image de la colonie qui gagne l'analyse qui est faite du champ littéraire. Par exemple, une citation de Christian Quéguiner. Vous ne connaissez peut-être pas Christian Quéguiner, il est un peu tombé dans l'oubli. Il était proche de Paul Keinec dans les années 70. Si j'ai bien compris, je pense que c'était un de ses élèves quand Paul Keinec était prof de français, et il a dû l'aider puisqu'il fait la préface du premier recueil de Quéguiner qui s'appelait Le dépaysement, sur lequel je vais revenir. C'est donc ici une poésie de la décolonisation, c'est-à-dire une décolonisation poétique, décoloniser notre poésie et en cela même la rendre décolonisatrice. Alors c'est vrai qu'il y a une rhétorique sur laquelle on pourrait travailler dans ces ouvrages-là, c'est assez amusant. On n'avait pas peur de la redondance. Parfois j'ai lu des phrases, je me suis dit, je n'y comprends rien tellement c'était abstrait, mais c'est pas grave, on revendique et puis on aligne l'idée. Mais en tout cas ici, il y a toujours, et y compris donc en général dans la poésie francophone, dans la littérature francophone, l'idée qu'on doit décoloniser le langage pour se réapproprier un mode d'expression qui propre à sa singularité et qui ne soit pas forcément, qui ne suive pas le chemin d'un modèle du roman ou de la poésie française classique ou traditionnelle. L'idée toujours de la colonie, un extrait d'un texte de Keinec, le poème du pays qui a faim. Donc un très beau recueil, je trouve que c'est son premier, qui est vraiment traversé par un souffle épique. Breton exporté, breton déporté, breton saisonnier à Jersey, breton fermier d'Aquitaine, breton canalisé, pressuré, breton ouvrier à Paris, breton manufacturier, moulé, stéréotypé, miré, calibré, désinfecté, enveloppé, encaissé et expédié. Petit breton semblable et interchangeable, breton inadapté, exploité, humilié, écrasé, aspiré, asphyxié, oublié. Breton colonisé, breton sous-développé, breton alcoolisé. Bon pour le service, bon pour la mitraille, la boue, la baïonnette. Bon pour les jungles, bon pour la plaine d'Alpha, bon pour la boucherie, bon pour l'Algérie, colonisé, colonialiste. Voilà, on a en fait vraiment très nettement ce qui est au cœur de notre communication, ça, l'image du breton colonisé, en filigrane le détonateur de l'Algérie, qui va être quand même très important dans la prise de conscience et la mise à distance de la représentation de la France chez ces auteurs bretons. Alors, on trouve des images très proches dans les premières pages du cahier donc d'Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Au bout du petit matin, bourgeonnant danse frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. On a vraiment une vision très négative qui est donnée. Je ne sais pas si vous avez lu le texte de Césaire, hein, vraiment l'ouverture, c'est ça, le constat de la destruction, la tristesse, du désenchantement total de la situation des Antilles, puis progressivement une prise de conscience. Et dans le cahier, il évolue vers quelque chose, justement, il pose la négritude, voilà ce que nous sommes et voilà vers quoi nous pouvons aller. Donc on voit bien ici cette image négative et des Bretons et ici, pareil, des Antillais. C'est aussi donc la vision qu'il a dans le discours sur le colonialisme. Finalement, il se dit, mais quel est l'impact de tout cela sur le colonisé ? Non seulement la colonisation a détruit les civilisations existantes au profit de grands intérêts économiques de l'Europe, mais elle a instauré entre colonisateurs et colonisés des rapports de force et d'intimidation, transformant les peuples colonisés en masse avilie. Donc voilà, la destruction qui paraît vraiment totale. Je trouvais que le rapprochement était évident entre les situations, même si évidemment il y a 20 ou 30 ans d'écart entre les prises de conscience et puis les textes. Donc dans ce texte, ouais, voilà, il est sorti, la première version sort en 1950, et on lui a demandé à Césaire, c'est une revue de droite qui lui demande un article sur la colonisation, et donc il décide d'écrire un discours sur le colonialisme, et il dit, alors j'ai mis le paquet, et j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. C'était comme un pamphlet, et un peu comme un article de provocation. C'était pour moi l'occasion de dire tout ce que je ne parvenais pas à dire à l'Assemblée nationale, hein, puisque déjà, bien sûr, il est élu, et sans cesse, on lui a dit, mais finalement, on l'a renvoyé aussi à son champ d'action politique. Et là, bon, en fait, il explique qu'il ne se dédouane pas, hein, il explique qu'il était en tension et que voilà, il avait des difficultés à pouvoir se faire entendre. Et j'ai trouvé d'autres textes où lui et son corps disent « mais on n'était pas entendu, on n'était pas de toute façon pris au sérieux dans nos demandes ou nos revendications ». Donc c'est vrai qu'on a critiqué ce texte aussi en disant que sa faiblesse finalement c'était qu'il s'adressait à une bourgeoisie blanche plus que peut-être aux Antillais eux-mêmes, mais il ne s'en cache pas, il voulait aussi avoir porté sa parole à l'attention, sa parole était destinée effectivement aux membres de l'Assemblée nationale ou aux Français qui pourraient d'une façon ou d'une autre éventuellement faire changer leur situation. Alors on a aussi, derrière toutes ces images-là, l'image de l'exilé, très fort, qu'on peut retrouver dans toute la littérature francophone aussi, hein, mais chez les Antillais, pareil. Alors, l'exilé, là, je crois qu'il n'y a pas de quoi en faire une thèse, mais pas loin, il y en a plein. On peut être exilé à Paris, on peut être exilé en Bretagne. Hein, j'ai vraiment mis des choses des deux aspects. Je fais partie des milliers de Bretons exilés dans la capitale. Les sociologues le disent. Chercher l'arabe ou le portugais, c'est du même coup trouver le breton. Hein, ça, c'est Xavier Gral. Prends donc ton sac, vieux frère, prends ton sac. C'est en pays lointain ou dans la grande ville que je trouverai à gagner ma croûte. Hein, donc là, Jung Wernick. J'en ai mis d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est simple, je ne pardonne pas à l'État français de contraindre des milliers de mes compatriotes à pourrir dans les banlieues et d'y couver regret et rancune dans une situation infrahumaine, loin des larges horizons. C'est une étrange colonie, donc toujours le terme de colonie, ils subissent le train et le destin des autres, ce peuple n'a plus d'histoire, donc on est toujours dans ces mêmes questions-là, il n'a plus de demeure. Donc, bon, Xavier Gral a une plume toujours enflammée, hein, pour ceux qui l'ont lu, bon, on resitue. Mais là, je pense que ça doit être un extrait de Keltia Blues, donc c'est un essai très court, très percutant. Bon, Keltia Blues, hein, avec l'idée du blues, et il a écrit aussi Africa Blues, donc c'est pas sans raison. On a aussi l'exil en Bretagne, peuple crédule, peuple exilé, en pays étranger et sur son propre sol. Où là, on touche du doigt à la fois la problématique de la perte de la langue bretonne et de cet entre-deux qui va être assez caractéristique, hein, de ces années-là. Est-ce que je suis français, pleinement français? Comment le français me regarde? Comment il me reconnaît? Et qu'est-ce que moi je veux faire dans cet échiquier-là, hein, parce qu'il y a vraiment une réflexion. L'identité est au cœur de la réflexion de ces années-là. Alors, on a d'autres types d'images très négatives qui apparaissent. Alors là, c'est pas de l'exil, mais c'est vraiment le pays détruit, le pays mort, la plainte face et la tristesse face au silence des villages, à l'abandon des villages et à la mort progressive que relate par exemple Pierre-Jacques Hézélias dans un poème qui s'appelle Andiles, l'abandon. Vieux village des terres bleues, tourbe, lande et bruyère, le grain pourrit, les arbres meurent. Alors, vraiment, il n'y a rien de rien. Et puis, on a un texte sur lequel je reviendrai aussi d'un agriculteur là, qui écrit des textes sur feuilles volantes. Donc là, on a beaucoup de choses vraiment, vraiment tristes. Aujourd'hui, des voix lointaines, autorisées, radiophoniques, viennent nous dire « il faut partir ». Elles nous disent « il faut partir ». Elles nous disent que trop loin d'eux, nous sommes trop proches, trop cloches, trop moches. Hein, donc là, on voit bien un phénomène identitaire. Hein. Je suis trop proche, en fait, hein, de l'image du français, et donc ils me voient trop cloche et trop moche. Elles nous interdisent notre langue, elles nous interdisent jusqu'au nom de notre patrie, elles nous refusent le droit de vivre. Ça, c'est Paul Keinec. Donc on retrouve après aussi toute une représentation de l'identité duelle, voire bicéphale, qui peut devenir, qui est un entre-deux très inconfortable, qui peut friser la pathologie. Hein. Donc on retrouve ça chez un certain nombre aussi d'auteurs francophones. Chez Xavier Gral, ici, il est bien virulent, avec toujours... évidemment les allusions aux Africains. La France a inoculé une performance pour ainsi dire démoniaque, elle a inoculé aux Bretons le mépris de la Bretagne. Nous connaissons tous de ses compatriotes qui partagent l'analyse que nous faisons de la situation de Breiz, mais ils refusent de nous suivre quand nous tirons les conclusions politiques. Ils sont bicéphales. On a ça vraiment partout. Ils veulent être à la fois et Bretons et Français, comme au plus beau jour de la colonisation, le tirailleur sénégalais, torse bombé, se prétendait et Gaulois et Africain. Donc, vraiment, très souvent, quand on a donc, les visions comme ça, négatives, d'exil, etc., on a ce parallèle quand même avec l'Algérie ou la situation des Africains ou des Antillais. Et puis finalement, on arrive à la dépossession de soi, parce que quand on ne sait plus qui on est, quand on a l'impression que tout ce qui nous entoure se détruit, on est vraiment dans une situation de dépossession, de trouble identitaire. Donc, il va être pathologique, il peut être pathologique chez des gens comme Armand Robin, parce que ça va très très loin. Depuis le jour de ma naissance, spolié de tous mes biens, spolié de mes yeux, de mes pores, de mes os et de mes mains, on a volé mon pain. On a arraché la langue maternelle de mon palais d'enfant et ravi tous les noms familiers. Depuis le jour de ma naissance, vidé de ma propre substance, dépossédé de mes veines et de mon sang, doublé par un étranger, moi-même. Donc là, le trouble identitaire paraît très très fort. Et c'est vrai que dans son recueil, parce que ça c'est toujours sur le poème du pays qui a faim, on a l'impression quand même que Paul Keinec se heurte toujours à cette situation qu'il dénonce et peine à la dépasser. C'est pareil chez Gral, on va le voir plus loin, mais on a cette vraiment le constat négatif. Et après, passer à autre chose, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas non plus le faire tout seul. Et donc, on voit ces difficultés-là. Alors, pareil, chez Césaire, il développe dans son cahier donc, cette idée de la colonisation aussi comme source de chosification de l'individu. Ces mots sont violents, comme la violence qu'il décrit. Entre colonisateur et colonisé, je cite Césaire, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie des élites décérébrées, des masses avilies. Ou encore, donc la problématique du cri ici, bien sûr, dans une poésie engagée. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie, que nous sommes un fumier ambulant, hideusement prometteur de canne tendre et de coton soyeux. Et l'on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtait moins cher que nous. Et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. Donc, c'est vraiment... il y a une plume virulente. Évidemment, la situation antillaise et bretonne ne sont pas comparables sur ces points-là. Néanmoins, on sent bien qu'il y a des échos, en tout cas dans la perception et dans le trouble identitaire, on peut dire qu'il y a des choses qui sont ressenties un petit peu sur le même mode. Alors, par rapport à... sur ma première partie, effectivement, vous voyez, il y a plein d'images en lien avec la colonie, l'exil, l'image négative du pays, l'image négative de soi. le questionnement en filigrane sur soi, sur son identité, et on sent que l'identité est vacillante, elle n'est pas assurée parce qu'elle n'est pas, non plus assumée, hein, d'une certaine façon. Elle est aussi bridée par le regard extérieur. Donc, il y a toute cette problématique-là qui me semble avoir des échos très nets. Et puis, va se passer, arrive la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, c'est un détonateur, me semble-t-il, bon, évidemment, sur plein d'aspects, mais aussi par rapport aux auteurs que j'ai choisi d'étudier. Donc, chez Xavier Gral, par exemple, je pense que c'est... On a une... Bon, toute sa vie, il est hanté par l'Algérie. Donc, il va en fait faire son service militaire au Maroc pendant, je crois, 18 mois. Il a une vision magnifique, lumineuse du Maghreb. Il en revient avec vraiment une vision merveilleuse. Il a l'impression d'avoir trouvé son paradis sur terre, d'avoir un double ensoleillé en fait de la Bretagne. Et vient la guerre d'Algérie, il est appelé, et là on tombe dans le versant terrible du Maghreb, hein, la face noire, la face obscure, la face violente et douloureuse, et il rentre dans une rupture ou des ruptures par rapport à l'image de la France qu'il dit, hein, jusque-là aimée passionnément, et une rupture dans les valeurs transmises à l'école, dans les valeurs transmises par son éducation aussi. Et donc... Bon, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Xavier Gral, donc ça fait déjà 20 ans, mais j'avais à cette occasion rencontré sa femme qui me disait, de mon point de vue, il ne s'est jamais remis de l'Algérie. Il est resté hanté toute sa vie par des images de violence de l'Algérie, par la nécessité de dire les choses, d'avoir toujours l'impression qu'il ne disait pas comme il fallait, etc. Donc au retour de l'Algérie, il profite de sa situation de journaliste. Donc il est journaliste à ce moment-là, il travaille pour La Vie catholique illustrée. Et il lance donc un appel à témoignage parce qu'il veut absolument que ce qui s'est vécu en Algérie ne soit pas tu. Donc dès qu'il revient de la guerre, il a ça en tête. Et donc il va récolter comme ça beaucoup de témoignages d'appelés. Et ça va lui donner la matière d'un ouvrage que vous avez peut-être parcouru ou lu qui s'appelle « La génération du Djebel », qui est assez peu connu, hein, on connaît beaucoup la poésie de Gral. Mais voilà, tout est prêt en fait, mais le livre n'est pas autorisé à la publication avant la fin des événements, ou la fin de la guerre d'Algérie. Donc le livre ne sera publié qu'en 1962. Et donc pendant les mois où il attend la sortie du livre, il peste et il s'enflamme parce que il sent que voilà, faut pas que ça sorte, c'est pas le moment, il a pas le droit. C'est un livre très très émouvant où il y a des témoignages de nombreux appelés, des paroles de prêtres qui en viennent à douter de leur foi face à ce qu'ils vivent en Algérie, etc. C'est vraiment un ouvrage. Il vient d'être, il a été réédité, donc on peut le trouver assez facilement. Donc le Maghreb irradie toute son œuvre avec donc le versant très très beau du Maghreb marocain et puis l'Algérie qui le fascine, hein, mais en même temps ce qu'il a vécu le révolte, l'insupporte, le rend malade. Donc il sent qu'il va devoir chercher ailleurs sa terre promise et finalement la guerre d'Algérie va le renvoyer beaucoup plus fortement encore à ses questionnements identitaires. Alors quand je dis que l'Algérie irradie toute son œuvre, c'est vraiment ses romans, sa poésie, ses essais, c'est-à-dire partout, ses billets, hein, parce qu'il faisait beaucoup de billets, donc il y a un petit bout d'Algérie dans tout. Alors là, par exemple, il a écrit un ouvrage sur François Mauriac, il aimait beaucoup Mauriac, et il y a un chapitre qui s'appelle « L'Afrique au cœur ». L'horreur de la guerre est sans limite, et il n'existe pas de guerre plus atroce que ces conflits coloniaux où la nature elle-même participe à la conjuration, où la tranquille Meshta dissimule une mitrailleuse et une femme muette une grenade dans son couffin. Je n'excuse pas, je cherche à comprendre. 2 ans de présence en Afrique du Nord m'ont appris à me méfier des opinions définitives. Oui, il faut tenter de comprendre. Il faut être deux pour faire la guerre et la paix. Les fautes de la France sont immenses dans les conflits indo-chinois et africains. Mais enfin, où commence la patrie? Où commence la fraternité? Et donc, il décline ça, hein, l'Afrique au cœur. Comment oublier que toute la jeunesse française, depuis 5 ans, est en contact direct avec la guerre, la misère algérienne, l'immense misère des Meshtas, l'atroce misère des ventres affamés. Et la misère plus cruelle encore d'être pris dans un étau, écartelé entre 2 chefs de guerre, 2 percepteurs et parfois 2 tortionnaires. Donc, un autre billet où il... Alors, ça, ce sont des textes, ça fait partie des textes qu'il a écrits pour la revue Save Braise, qui a donc Erwan Valéry, qui dirigeait cette revue, a regroupé tous les textes de Graal il y a quelques années, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, et donc on peut trouver le livre de tous les billets qu'il a publiés. C'est très intéressant hein, pour aussi sentir l'ambiance de l'époque. La Bretagne, c'était aussi cette réflexion que les puissants ont presque toujours tort. La guerre d'Algérie, ces félagas que j'admirais dans les nuits de Médéa quand nous les chassions, alors que les chiens criaient dans les douars. Et cet homme supplicié sous nos yeux. Lâche, je l'ai été. Je ne le serai plus. Je suis breton pour ça aussi, contre cette France que je démystifie, cette France oppressive, raciste, coloniale. Donc là, on sent bien que toute la charge qu'il met contre la France, contre l'image de la France, qu'on lui a demandé de faire, et ce qu'il a fait, donc aussi. Hein, alors bon, c'est vrai qu'il dit un peu plus loin, il y a eu, qu'on s'en souvienne, la guerre d'Algérie, donc plein de billets là-dessus, perdure encore, évidemment. Non seulement perdu dans les djebels, mais encore et surtout dans les profondeurs mêmes de la conscience humaine. Archi perdu. La gégène, la corvée de bois, la rafle, toutes ces abominations, on aurait pu croire que les bons Français auraient tout fait pour ne pas les porter en sautoir derrière leur drapeau où le rouge pend comme une chair meurtrie. Nous nous trompions. Alors là, il y a une grosse charge contre l'association des anciens d'Algérie qui va fêter... date anniversaire dans la ville où il est, et ça lui est insupportable qu'on puisse gueuletonner, et donc il s'agace de ça. On va retrouver la même chose dans Le Cheval couché, vous savez, sa fameuse réponse au Cheval d'Orgueil, donc qui est Le Cheval d'Orgueil, évidemment, de Jacques Essayas, qui est très connu, mais Le Cheval couché de Graal aussi. Alors là, évidemment, la plume est très déliée. Alors ceci, mais je vous lis le passage parce qu'il met bien encore en évidence ce sentiment de la bretonnité qu'il va éprouver très fortement à partir de l'Algérie. Alors ceci, la bretonnité qui se tâte, s'éprouve, s'exaspère en se cherchant en dehors des règles et des parapets, serait-elle semblable à la négritude tragique de Harlem ou de Port-au-Prince ? À peine née, serait-elle condamnée par l'histoire à ne donner au monde qu'un long sanglot ? Sommes-nous définitivement décolonisés ? La structure française a-t-elle irrémédiablement tué notre âme barbare, baroque ? Poètes et romanciers marginaux, nos mots et nos livres sont-ils à tout jamais condamnés à demeurer dans la marge, comme des ratures, des raclures ? À la fin, qui sommes-nous donc ? Des voyants ou des aveugles ? Des êtres libres de pitoyables aliénés ? Non, nous traversons la nuit et nous trouverons le royaume des fleurs. Dire le monde, mais autrement, selon notre voix, voilà ce que je crois. Non point la destinée d'un Harlem où les blues eux-mêmes sont comme volés par les blancs, mais le destin d'un royaume sur la mer. Nos ténèbres, lentement, s'évacuent. Donc on voit ici encore une fois hein, le rappel, l'écho de la négritude, du blues, de la destinée des noirs et des blancs. Donc il se met vraiment en écho de aussi tout ce qui a pu se passer, aussi qui peut se passer dans le monde. Donc évidemment, vous voyez bien que l'image de la France est très sérieusement écornée. Hein, il dit souvent « je me moque éperdument de la France, une et indivisible ». Te rappellerai-je d'ailleurs que l'indépendance des départements algériens a donné un coup sérieux à cette billevesée jacobine. Du Djebel Amour à la Montagne Noire, que de similitudes, même tyran, l'État français, même victime, le paysan, même flic, le CRS. Bon, ça c'est toujours dans quel tiablouse hein. Bon, d'autres auteurs, évidemment, aussi évoquent la guerre d'Algérie dans l'anthologie de Yann Berpiriou. D'ailleurs, il y a pas mal d'allusions qui sont faites à la guerre d'Algérie. C'est aussi un puissant déclencheur et détonateur hein, chez Paul Keynec, qui est plus jeune, et qui dit aussi dans le préambule de son ouvrage sorti l'an dernier « Ma conscience politique est née le 1er novembre 1954, premier jour de la révolution algérienne. Ce jour-là marque aussi la mort définitive de l'universalisme à la française. » Donc, on voit bien qu'il y a une série de ruptures. Hein, Jacqueline Saint-Clivier dit que justement, je ne sais pas où j'ai mis ma citation, mais... elle précise évidemment que l'UDB a été lancée à partir de l'Algérie, de cette prise de conscience-là. J'ai mis ça quelque part. les animateurs de l'UDB, donc elle le dit, les animateurs de l'UDB dénoncent le processus de colonisation de la Bretagne, l'aliénation double du travailleur breton comme travailleur et comme breton. L'UDB, dans les années 70, rend familière la notion de Bretagne et colonie. Et elle dit un petit peu plus loin, donc évidemment, cette guerre terrible de la guerre d'Algérie donc, va déclencher l'envie de faire quelque chose, de poser d'autres jalons, et va être un élément de focalisation des questions identitaires aussi en Bretagne. La guerre d'Algérie va aussi pousser Aimé Césaire à rompre avec le Parti communiste français. En 1956, c'est la position du Parti communiste par rapport à la guerre d'Algérie qui le met tellement mal à l'aise qu'il rompt, et il va rendre publique sa décision en écrivant une lettre à Maurice Thorez, qui va prendre ensuite une forme scénique avec une pièce intitulée « Et les chiens se taisaient », qu'il écrit en 1956. Et donc, il va fonder en 1958 le Parti progressiste martiniquais à partir de là également. Alors, pour se dire... le dernier texte avant que j'arrive à la partie suivante. Bon, Jérémy, c'est un auteur, évidemment... je pense qu'il a écrit essentiellement dans l'anthologie de Piriou, enfin peut-être qu'il a écrit plus que ça, mais j'ai trouvé c'était intéressant. Hein, tu oui, connais un peu. Mais en breton peut-être. Voilà, mais en français, donc il n'est pas vraiment dans mon corpus, mais j'ai trouvé intéressant parce que il naît en Algérie et il passe son enfance en Algérie, et du coup, évidemment, le choc de l'Algérie, c'est pour lui des choses très concrètes avec un impact émotionnel extrêmement fort. Arabe, mon frère bien-aimé, toi que j'appelle par ton nom, toi le grand vainqueur, le grand martyr, conscience du monde, enfant de Sidi Mabrouk, quand des auteurs de Constantine, je vous entendais naguère, mon cœur se brisait de honte et de chagrin, et je maudissais les miens pour l'amour de vous, puisque vous étiez des esclaves, puisque moi aussi j'étais un esclave. Maintenant vous ne l'êtes plus, mais moi je le suis resté, car mon peuple est lâche et sot, j'ai envie d'être arabe. Donc le poème est beaucoup plus long, mais c'est vrai que de chez lui, il repense à tous les enfants qui étaient avec lui en Algérie, et il se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais voilà, l'assimilation à l'arabe... Il a été ensuite fonctionnaire de l'État, donc ce qui s'est des écrits de jeunesse. Mais c'est ça qui est assez intéressant quand on replonge dans l'anthologie de Piriou, c'est de voir après, finalement, ça c'est très exacerbé. Les plumes sont très exacerbées sur beaucoup de textes, et puis que sont devenus. Beaucoup de gens n'écrivent plus. Alors finalement, après cet électrochoc de la guerre, eh bien, il y a la tentation, la tentative aussi c'est-à-dire de prendre la plume pour essayer de dénoncer une situation, peut-être de créer quelque chose, éventuellement aller vers le choix de la voie politique, mais on va voir qu'en fait c'est extrêmement ardu pour les Bretons. Alors, je vais vous parler d'abord de la revue Bretagne, des revues. Quand j'ai donc préparé cette communication, j'ai été frappée de voir le nombre de revues qui ont été créées à partir des années 20 par donc les intellectuels noirs qui vivaient à Paris, donc qui venaient des Antilles ou bien qui venaient évidemment d'Afrique. Vous savez que Césaire et Senghor ont été camarades de classe à Normale Sup, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quand Césaire est arrivé, c'est Senghor qui l'a accueilli, qui était son parrain. Enfin, je ne sais plus, il y avait une sorte de tutorat, là, je ne trouve plus le terme. Donc il y avait qu'un an d'écart. Et donc ils font des études ensemble, ce qui explique aussi qu'autour de la négritude, il y a une relation d'amitié très forte entre les deux hommes. Et même si après, ils vont être critiqués, parce que je pense que tout ce qui est de cet ordre-là demande après être analysé, critiqué, dépassé. C'est vrai que Senghor viendra, j'ai lu sur des textes ultérieurs, toujours au secours des critiques adressées à Césaire et réciproquement. Mais il faut bien voir que ça vient aussi d'un ferment commun. Ils se trouvent tous les deux à Paris, déracinés, s'interrogeant sur qui ils sont. Il dit bien, Césaire, dans les années 20, 30 à Paris, il n'y a pas beaucoup de Noirs. On est remarqué tout le temps, on se sent différent. Donc il y a beaucoup donc Césaire va lancer la revue Tropique en 1941 avec sa femme. Donc c'était une revue qui voulait aussi faire une large place à la culture et puis à la politique. Et la revue ne cache pas sa sympathie pour la résistance et donc va être interdite en 1942-1943. Mais j'ai noté aussi qu'il y avait une revue, la revue du Monde Noir, Légitime Défense, L'étudiant noir. Il y a beaucoup d'espace en fait où ces étudiants et intellectuels noirs vont essayer de s'interroger, de réfléchir vraiment à des problématiques identitaires, mais aussi au champ de la littérature de façon très, très intéressante. Alors, il y a une revue qui ressort du lot, qui est Présence africaine, qui est fondée en 1947 par Alun Diop, qui est un ami de Camus, parce que Alun Diop n'avait pas les moyens de faire ses études en France, et donc va faire ses études à Alger, où il devient camarade de classe de Camus. Donc cette revue, elle est soutenue par Sartre, par Mounier, par Camus, par Léris. C'est amusant de voir qu'aussi un des rédacteurs de la revue deviendra plus tard le directeur de recherche d'Édouard Glissant. Donc on voit que les générations passent, mais il y a des choses qui perdurent. Donc Césaire et Senghor, qui sont déjà députés à l'époque, font partie du comité de patronage de la revue. C'est une revue qui se place sous aucune obédience politique, mais bon, elle se veut ouverte et un outil de collaboration de tous les hommes de bonne volonté, blancs, jaunes ou noirs, disent-ils, susceptibles d'aider à définir l'originalité africaine et de hâter son insertion dans le monde moderne. Donc il y a le souci dans ces revues-là, en filigrane tout le temps, de réfléchir à partir de l'identité nègre à la posture du métissage et à l'entrée dans la modernité. Donc comment être ce qu'on est avec un langage qu'on doit réinventer pour faire partie du monde tel qu'il est. Il n'y a pas de nostalgie, de choses. Vraiment, on est dans du présent et dans du relativement concret. Alors, en voyant ce foisonnement de revues, je me suis demandé effectivement en Bretagne où est-ce qu'on en était. Alors dans les années 70, il y a beaucoup de revues, mais des revues qui aient eu le double souci, enfin en parallèle, de porter et la parole politique et la parole poétique, il n'y en avait pas forcément non plus tant que ça. Alors il y a une revue qui sert de référence, hein, un petit peu quand même par rapport à ça, c'est la revue Bretagne, avec un S, hein, donc c'était l'autre, hein, parce qu'il y en a eu une depuis, avec un S entre crochets, mais qui est aussi arrêtée. Donc de 75 à 78, alors, il y a eu un très bon article dans la revue Bretagne, la dernière en date en 2007 ou 2008. Donc une très bonne analyse qui a été faite par Marc Gontard, dont je vais reprendre un petit peu la trame de son article et ses conclusions. Il y aurait une autre revue certainement plus pertinente à la comparaison, qui est la revue Souffle, qui est une revue qui a été créée donc, au Maroc. Là, ça nous éloigne un peu de la négritude, mais par des poètes, Abraham Serfati et Abdelatif Lahabi. Donc une revue qui a été publiée de 66 à 72. Bon, ils ont fini tous dans les geôles du roi du Maroc, hein. C'était assez tragique. Tahar Ben Jelloun faisait partie aussi du mouvement. Donc c'était une revue avisée aussi politique, littéraire, où il voulait ressaisir le passé, en contrôler l'expression, traiter de la négation et de l'aliénation que le colonialisme a amené les gens à intérioriser. Donc il y avait aussi cette démarche-là au Maroc. Mais c'est important parce que Graal, il est aussi toujours à l'écoute de ce que fait la Bid, ce que fait Sarfati, le soutien quand il est enfermé. Donc en Bretagne, si on prend l'exemple de cette revue, la revue Bretagne, donc elle est fondée par Paul Keynec et donc Christian Keguiner, dont j'ai déjà parlé. Donc elle naît en 1975 et elle meurt en 78 au 9e numéro. Elle est tirée en fait à 2000 exemplaires, mais elle n'a que 300 abonnés, donc elle est soumise à un problème financier récurrent de numéro en numéro. On appelle toujours à l'aide parce que il n'y a pas assez de sous qui rentrent et donc ça devient problématique. Donc politiquement, la revue s'inscrit dans une double posture, hein, une opposition radicale à l'extrême droite en 1975, hein, et le rejet du marxisme-léninisme et de sa variante française de l'époque, donc avec le PCF. Marc Gontard donc, souligne dans cet article que si la revue s'affirme indépendante de tout parti politique, bon, ses positions vont néanmoins converger vers les idées de l'UDB ou de la mouvance de l'UDB, sachant que Paul Keynec est à l'UDB et que Youn Koïk, qui intervient beaucoup aussi aussi dans la revue, et lui également à l'UDB. Donc, c'est vrai qu'en même temps, comme ce sont des auteurs qui essayent de se mettre en adéquation et leur plume et leur engagement politique, ce n'est pas anormal qu'on les retrouve non plus engagés d'une certaine façon. Alors, au plan culturel, donc, la revue affirme son projet dès le premier numéro. Bretagne existe pour rompre la colonisation de la littérature. Donc voilà, on est toujours là-dedans. Nous voulons balayer les barrages de la syntaxe, repousser les marchands de paroles, susciter des ouragans de création. Le double lien donc, à la langue bretonne et à la langue française va traverser la réflexion des différents collaborateurs de la revue. Ça, c'est vraiment un point clé. Comment j'écris en français, en tant que breton, sur quelle modalité de forme, de syntaxe, de langage, d'image, de rythme, etc. Donc, bon, on sent que les points de vue divergent parfois, mais le lien au français s'inscrit dans la complexité. Christian Keguiner penche pour rompre avec cette langue coloniale, je cite, et écrire contre la langue, tandis que Michel Duguay, qui est aussi un romancier qui continue à écrire, hein, lui, il penche pour, je cite, faire dire à la langue ce qui a toujours été passé sous silence. Donc, la conclusion de Marc Gontard, avec le recul, c'est aussi de se dire que finalement, cette manière de concevoir la littérature bretonne de langue française les rapproche dans les problématiques soulevées des autres littératures francophones postcoloniales. Et du coup, le deuil de la langue perdue devient un puissant moyen de création littéraire. Et donc, devient vraiment aussi un parallèle avec ce qui se passe dans d'autres littératures francophones où on a une langue maternelle souvent malmenée du fait des conditions de présence du français. Donc cette revue qui allie la réflexion politique et littéraire, bon, elle est fondamentale, même si évidemment elle est éphémère, mais quand on réfléchit à ces questions du point de vue de la littérature, elle reste quand même une référence parce que y a débat, il y a discussion, c'est difficile de trouver on voit bien que les auteurs ont du mal à être d'accord, mais ils essayent de jeter des nouvelles bases et des nouvelles perspectives, donc le débat a au moins le mérite d'exister. Donc on voit bien effectivement qu'ici, on n'a pas en Bretagne des revues de haute stature avec des hauts patronages comme ont pu bénéficier par exemple les étudiants africains dont je parlais tout à l'heure. On n'est pas du tout dans la même cour, on ne joue pas dans le même... Mais bon, ça a quand même existé. Alors, la voie politique, elle est très réduite. J'ai parlé de l'entrée de Paul Kaniec à l'UDB. Xavier Gral, il restera plutôt rétif à un engagement d'ordre politique. Il veut bien prendre position, écrire des textes, etc. Mais il y a une réticence quand même par rapport au champ politique. Oui, l'impression que de toute façon, on est toujours trahi. Quoi qu'on fasse, ça ne marche pas, etc. Parce qu'il y a quand même des états d'âme un peu en cyclotimie. Alors, le problème, ça va être aussi de pouvoir se dire, finalement, pour qui on parle, au nom de quoi on parle, de qui on parle, dans quelle langue parle-t-on. Voilà ce qui est au cœur, finalement, de la problématique de l'engagement. Si on s'engage, c'est pour dire quoi, pour qui et pour faire quoi. Alors, j'aime beaucoup un des vers de Césaire. Il dit, finalement, qui, dans le cahier d'un retour au pays natal, il dit, qui et quel, au pluriel, qui et quel sommes-nous. Voilà. Tout est dit. Et on retrouve la même problématique ici, chez Keguiner, par exemple. En Bretagne, quand un poète prend la parole, à qui la prend-il ? À ceux présents ou absents qui la possèdent, la règle, l'exporte ou l'impose. C'est pourquoi ici, le poète se doit de prendre la parole d'assaut. Ça peut pas être autrement que violent. Comment parlerait-il dans la cacophonie de basse-cour des bardes officiels si sa parole n'était pas foudre, réduisant au silence tous les discours officiels vulgaires ? Les mots traqués seront braqués, ils feront feu. Ce feu sera la lumière portée d'un plus grand embrasement, mais aujourd'hui, en Bretagne, le poète est plus que tout autre dépaysé dans son propre pays. Voilà pourquoi il n'est plus en quête, mais à la conquête, à la reconquête. Donc on a toujours les mêmes choses qui reviennent. Il y a d'autres citations, j'ai trouvé aussi de Keynec. Que faire ? Parler, prendre la parole et la garder, désormais revendiquée, assumée, éblouissante. Donc il est urgent d'assumer la totalité de notre réalité radieuse et écœurante pour la transformer. Donc là on a quelque chose d'assez positif chez Keynec, mais c'est pas toujours le cas non plus, c'est vraiment aussi ça un leitmotiv, c'est-à-dire qu'on a des élans du côté des Bretons, mais le soufflet retombe assez vite. Bon, chez Césaire, on retrouve évidemment cette nécessité de dire, d'être le, enfin, de s'inscrire comme un porte-parole. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, ma liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Donc voilà, le poète, une fois qu'il a dressé les constats, il doit agir. Là, c'est comme ça, dans cette perspective-là qu'ils sont. Il doit se dire, il doit dire. Alors, le problème en Bretagne, c'est justement comment se dire, finalement. À partir de la vieille terre du passé, il faut créer un champ nouveau et nommer ce pays sur tous les toits et en toutes circonstances. Que se lèvent les bardes et que les poètes émeuvent les harpes, dire, c'est créer. Donc, voilà, il faut réinventer quelque chose qui